dire aux autres que mon groupe arrive sans perdre, va dire aux autres que mon groupe arrive sans perdre, va dire aux autres que mon groupe arrive sans perdre. Va dire aux autres que mon groupe arrive sans faire de bruit. Que depuis l'époque des briques, j'ai avancé dans les débris. La déprime dans le script, les images se décryptent dans le mal et ses griffes. Mon moral est aigri. Va dire aux autres que ça va tes sous comme un bagage. Du C4 dans le partage, que c'est mieux qu'ils ne partent pas, ne parlent pas. Chut. Des sorties que l'on prévoit et des bombes que l'on prépare, même si tu les entrevois. Va dire aux autres facile. Y'a des sons fat qui font mal, y'a mes sauces qui sont là quand les fonds blarres sont en larmes. Dis-leur bien. Jusqu'au bout on lâchera rien, pour l'instant des fois ça vient, on se demande pas à quoi ça tient. Va dire aux autres que ici mes rimes sont puissantes, c'est la guerre que l'on pressent, ce sentiment est épuisant. Je te présente ceux qui n'ont rien à quoi prétendre, à présent ça fait longtemps que l'atmosphère est oppressante. Va dire aux autres qu'ici la rime est trop puissante, qu'on fait ça avec le cœur depuis l'adolescence. Va dire aux autres que nous on sera jamais tendance, quoi qu'il arrive on reste ensemble, on s'en bat de ce que t'en penses. Va dire aux autres, ouais va leur dire qu'on arrive, on sort des abysses pour couler leur navire. Va dire aux autres. Et surtout qu'il n'oublie pas que si Dieu le veut, bientôt l'album sera dans les bacs. Va dire aux autres, vas-y. Qu'on arrive, qu'on inspire, qu'on a mis toute notre vie dans le disque et qu'on applique. Qu'on starapitch, qu'on tapilise ceux qui tapinent. On n'est pas ceux-là, va leur dire qu'on le réaffirme. Va dire aux autres, vas-y. Qu'on est présent à toute heure, s'il y a un mic, qu'on le quitte, qu'on le fume en moins d'une heure. Laisse-nous faire dans la musique, dans les affaires. Besoin de personne jusqu'à présent pour aider à faire nos dièses. Va dire aux autres, vas-y. Qu'on vient loin avec mes rap, prends 87 places. Plus rien ne reste calme, authentique depuis le départ. On a sorti la tête de l'eau. Avis de tempête sur les sons. Va dire aux autres que dans notre cycle y'a pas de bluff. Véridique à chaque strophe, j'ai plus envie de faire la teuf. Va leur dire tout ça, ouais, dis-leur de notre part. Dis-leur qu'on arrive avec la dalle pour une grosse part. Va dire aux autres qu'ici la rime est trop puissante, qu'on fait ça avec le cœur depuis l'adolescence. Va dire aux autres que nous on sera jamais tendance, quoi qu'il arrive on reste ensemble, on s'en bat de ce que t'en penses. Va dire aux autres, ouais va leur dire qu'on arrive, on sort des abysses pour couler leur navire. Va dire aux autres. Et surtout qu'il n'oublie pas que si Dieu le veut, bientôt l'album sera dans les bacs. Va dire aux autres. On est là, hein, 380 paradoxes. Va dire aux autres. On est là, hein, 380 paradoxes. Va dire aux autres. On est là, hein, 380 paradoxes. Va dire aux autres. Dis-leur bien qu'il n'oublie pas que les talents sont dans la cave. Va dire aux autres. La musique et les rimes, c'est ça qui me nourrit. C'est pour les qu'on y travaille jour et nuit et jusqu'à en mourir. Va dire aux autres qu'ici la rime est trop puissante, qu'on fait ça avec le cœur depuis l'adolescence. Va dire aux autres que nous on sera jamais tendance, quoi qu'il arrive on reste ensemble, on s'en bat de ce que t'en penses. Va dire aux autres, ouais va leur dire qu'on arrive, on sort des abysses pour couler leur navire. Va dire aux autres et surtout qu'ils n'oublient pas que si Dieu le veut, bientôt l'album sera dans les bacs. Va dire aux autres qu'ici la rime est trop puissante, qu'on fait ça avec le cœur depuis l'adolescence. Va dire aux autres que nous on sera jamais tendance, quoi qu'il arrive on reste ensemble, on s'en bat de ce que t'en penses. Va dire aux autres, ouais va leur dire qu'on arrive, on sort des abysses pour couler leur navire. Va dire aux autres et surtout qu'ils n'oublient pas que si Dieu le veut, bientôt l'album sera dans les bacs. Paradoxe.